de fit. Avant l'effet boule de boule de boule de boule de neige. 2010. Ok. Vas-y. J'ai pris le pic un soir d'été pour assumer mon style. Toujours la même au quartier à fumer mon spliff. Premièrement c'est une passion, je n'ai besoin de son père. Un ou deux joies de Santa, je trouve ça grave alors que ça résonne clair. Depuis que la raison perd et que dans la maison reste, j'ai appris par mes frères que la zone c'était pas prison de break. Le soir j'écris mon texte et puis j'ai mis le contexte. La journée me porte la poisse et la nuit le conseil. Toute l'année c'est la récolte et il arrive qu'on sème. Des problèmes au lieu de se taire, on devrait se dire qu'on sème. Bref, c'est que le début c'est le manque de thunes. Il a fallu que j'en place une pour les langues de pute. C'est la mixtape. Le sionneur, ouais. Avant l'effet boule de neige. Ok, 2010.